Cinquième chapitre, le mystère de son âme. Quelques-uns de ceux qui la connurent intimement disent que, dès le début de sa carrière artistique et galante, elle eut le pressentiment que sa vie serait un tissu magique d'événements imprévus. Et par l'une des rares lettres qu'on ait publiées d'elle, on voit en effet que même à ses moments les plus lumineux, en pleine apogée, en pleine tranquillité, en pleine richesse, ayant à ses pieds les manias de toute l'Europe, sentant que son rêve d'être une idole sur un autel étrange s'est réalisé, quelque chose au fond de son être tressaille et frémit au moindre choc. À l'un des amis qui le plus tendrement l'aimèrent, elle écrit un jour « Protégez-moi contre tant de choses qui me font du mal et m'enlèvent jusqu'au goût de travailler. » Et quand on réfléchit à ce qu'était la femme qui s'exprime ainsi, quand on considère que ses pieds ne foulaient alors dans ses pérégrinations triomphales que des tapis de fleurs, quand on se rappelle que, dans son palais, des princes faisaient antichambre, la pensée se perd en inquiètes interrogations sur les voies mystérieuses du destin. Il arrivait donc à cette bayadère d'éprouver de noires angoisses au milieu de son apogée. Cependant, sa façon de penser et de sentir n'était ni superstitieuse ni frivole. Sa morale apparaît toujours fondée sur des maximes très claires, très sages, très consolantes. « Je crois sincèrement, écrit-elle, que celui qui sème le bien finit par récolter le bien, et que celui qui sème le mal finit par récolter le mal, comme celui qui sème le doute finit par récolter le doute. » S'adressant à la même personne, elle ajoute quelques lignes plus bas, « Il y a des moments où l'on croit aux surprises du sort, mais on note bientôt que chacun a le sort qu'il se prépare. » Volontaire, positive et énergique, elle ne manquait pas de se rendre compte qu'en somme, son art et sa beauté, joints à sa jeunesse, étaient les bases de sa royauté. Et si réellement il y avait en elle, comme l'affirment ceux qui la fréquentèrent, et comme cela semble se dégager de la lettre précitée, une vague crainte d'obscurs événements futurs, il me semble plus logique d'attribuer cela à d'occultes avertissements du destin plutôt qu'à la croyance qu'à l'époque de ses premiers succès, elle se sentait déjà torturée par les préoccupations propres aux délinquants. Ici, il me semble entendre quelqu'un me demander si je crois, ainsi que certains écrivains espagnols, parmi lesquels se trouve le sénateur Junoy, à l'innocence de Matahari. Non, en mon âme et conscience, je n'y crois pas. Et c'est que lorsqu'on lit sans passion ni préjugé les pièces de son procès, il est impossible de nier la culpabilité de cette femme. Elle était coupable, nous disent ces 12 juges. Elle était payée par les services de l'espionnage allemand. Comment douter encore après de telles paroles ? Cependant, cette vérité, confirmée par une sentence terrible, paraît plus invraisemblable à mesure que l'on étudie mieux la vie, le caractère et les idées de la malheureuse ballerine. À peine débarrassée du joug conjugal au printemps de 1905, peu après qu'elle a débuté au musée Guimet, on la trouve somptueusement installée dans un des palaces des Champs-Élysées, ayant voiture particulière et collier de pierreries. À ce moment-là, il serait ridicule d'attribuer ses splendeurs à l'or des agents de Berlin. Quel service, je vous prie, pouvait bien rendre aux militaires qui préparaient la guerre contre la France une étrangère sans relation, sans attache dans le pays et à peine connue comme danseuse exotique? Aucun. Et depuis lors jusqu'au jour de son arrestation, elle fut toujours environnée de pareil luxe. Elle se montra toujours aussi prodigue. Elle imposa toujours ses caprices les plus coûteux et les plus fous aux légions d'adorateurs qui l'entouraient dans toutes les parties du monde. Dans l'acte d'accusation du commissaire du gouvernement près le Conseil de guerre de Paris, On invoque comme preuve qu'elle comptait plusieurs années à la solde des Allemands. Ses relations intimes, amoureuses pour mieux dire, avec des personnages tels que le Kronprinz, le duc de Brunswick et le préfet de police de Berlin. Mais cela, si ma psychologie ne m'abuse, pourrait bien, me semble-t-il, constituer plutôt un vague indice d'innocence, car un prince impérial, un grand seigneur et un haut fonctionnaire, même s'ils sont prussiens, ne choisissent généralement pas leur maîtresse parmi les espionnes. En outre, le commandant Massard écrit dans un terrible livre « L'accusé était cupide à l'extrême » et l'on peut estimer que, durant les deux premières années de la guerre, le chef de l'espionnage lui envoya plus de 75 000 francs, ce qui est énorme si l'on tient compte que les agents ordinaires ne recevaient presque jamais plus de 1 000 francs. Ces derniers mots sont exacts. Personne n'ignore que les Allemands à Barcelone prirent à leur service le capitaine Estève de l'armée coloniale française et ne lui allouèrent que 300 pesetas par mois. Les « boches », ajoute Massard, n'étaient pas généreuses envers leurs agents. Une fois compromis, les misérables qui acceptaient la servitude devaient marcher droit dans le chemin de la trahison, sinon ils étaient dénoncés à leur pays par leurs propres employeurs. Beaucoup de traîtres nous furent ainsi livrés par les Allemands qui n'en avaient plus besoin. Fort bien, seulement cela, c'est la défense qui aurait dû le dire. Est-il vraisemblable en effet que, pendant la guerre, Matahari se soit vendu pour 60 000 marks alors que ses lettres du début de 1914 exprimaient son intention d'acheter de nouveaux meubles, très artistiques et fort chers, pour orner sa superbe villa de Neuilly et son autre intention d'offrir à un musée parisien un service de porcelaine ancienne de grande valeur. Pour répondre à des questions de cette espèce, Massard, qui, en son religieux respect de la chose jugée, ne conserve pas le moindre doute sur la culpabilité de la ballerine, invoque comme mystérieux mobile moral du crime de celle-ci des motifs terriblement puérils d'orgueil blessé. « C'est peut-être l'orgueil, dit-il, qui l'a perdu. L'artiste trouvait que les Français ne l'appréciaient pas à sa juste valeur. La réputation d'Isadora Duncan lui portait ombrage. Les Allemands, par contre, l'adulaient et la traitaient en déesse. De là son grand amour pour les Germains, qui explique force chose. Que l'illustre historien de l'espionnage me pardonne, mais ses explications psychologiques ne m'apparaissent pas aussi claires qu'à lui. En réalité, comme artiste, Matahari semble avoir eu plus de vanité que d'orgueil. Ses lettres le démontrent. On n'y trouve pas cette flamme qui fait délirer une Isadora Duncan exposant le secret divin de son art. On n'y trouve point une foi sereine, olympienne, comme celle qui, dans les confidences de Loïc Fuller, peut parfois provoquer l'ironie, mais finit toujours par inspirer le respect. Non. Pour la danseuse exotique, l'art, qui lui est d'abord une planche de salut pour se libérer de la tutelle conjugale, n'est jamais autre chose qu'un moyen d'attirer l'attention, de se montrer dans la splendeur de sa beauté, de séduire les hommes, enfin. À un ami qui, bien avant la guerre, lui demandait pourquoi elle ne travaillait pas, elle répondit « Je suis toute disposée à danser de nouveau et à renoncer à ma vie facile pour savourer encore les préoccupations que provoque nécessairement la gloire, mais je veux au moins retirer le bénéfice de ce que je fais et ne pas permettre que d'autres me dépouillent de mes idées. » Puis un compositeur qui lui propose une danse bouddhique, elle écrit « L'idée me plaît d'un temple hindou avec la déesse. C'est dans pareil décor que je commençais de danser au musée Guimet où de mes portraits se trouvent encore. D'autres ont imité cela. N'empêche que j'ai été la première à l'imaginer. C'est la seule façon de donner un cadre vraiment adéquat aux danses sacrées. Le temple peut être chimérique tant qu'on voudra, car moi, je le suis aussi. » Plus loin, commandant un ballet comme on commande une robe, elle dit au musicien chargé de le composer. La fleur sacrée sera la légende d'une déesse qui a le pouvoir de s'incarner en l'une des fleurs brûlant comme offrande sur son autel. Le prince entre dans le sanctuaire tenant des orchidées. Il les brûle et de la fumée la déesse se dégage et danse. Moi, je dois être l'orchidée tout en or et en diamant. Je sais comment m'y prendre. Paul n'a qu'à me faire signe quand il aura besoin de moi. Je serai prête. Je veux qu'il me dédie la partition. Le morceau de l'eau courante restera comme prélude, car le temple est situé dans une forêt près d'une cascade. Ses idées artistiques sont toujours de cette sorte, confuses et puériles, faites pour inspirer des combinaisons scéniques lui permettant de se montrer quasi nue parmi des bijoux, des ors, des rythmes et des transparences. La crainte de fausses notes d'exotisme religieux ne l'arrête pas dans ses projets. Son érudition est vague et sa théologie nébuleuse. On voit qu'elle a appris tout ce qu'elle sait au cours de lectures désordonnées dans le seul dessein de tout mettre personnellement à profit. Paul, écrit-elle encore, doit exprimer par sa musique les trois idées suivantes, incarnation, apparition, floraison. Ces trois évolutions correspondent au pouvoir de Brahma, Vishna, Shiva, soit création, fécondité, destruction. La destruction, dans ce cas, est créatrice. C'est pourquoi Shiva, s'il ne le dépasse pas, égale au moins Brahma. Par destruction dans l'incarnation vers la création, voilà ce que la danse doit signifier. Le thème de la fleur sacrée et sensuelle qui se transfigure au souffle de l'amour mystique semble l'obséder. Cela est une statue de bronze, et un prince dont les gestes hiératiques évoquent le rituel bouddhique lui sont éléments suffisants pour se faire un cadre où sa nudité d'ambre saura provoquer des murmures de surprise et des frémissements de luxure. La seule chose qui, au milieu de ces sensations confuses, conserve toujours une claire vigueur, semble sourdre, non point des souvenirs livresques, mais du fond même du caractère, c'est la substance intime de sa philosophie. Dans une lettre à un ami, elle écrit « Tu mourras comme tout meurt. En attendant la mort, il faut vivre pleinement les instants beaux et glorieux. Mieux vaut ne passer sur terre qu'une vie courte et intense que d'y traîner une vieillesse sans beauté. » Mais évidemment, la beauté pour la danseuse n'est point ce qu'elle est pour les sages orientaux qui prêchent aussi une existence sans défaillance. Ce n'est pas une splendeur spirituelle, ni seulement une ferveur d'art pur, idéal, absorbant, mais uniquement l'ensemble de volonté et de charme qui assure son triomphe immédiat, sa séduction personnelle. L'instinct de cupidité que le commandant Massard lui prête ne se dégage pas très clair des renseignements authentiques réunis sur elle, sans doute envers ceux qui, la considérant comme un objet de luxe, aspiraient à conquérir ses faveurs, elle dut être une femme de proie. Mais il faut voir en même temps avec quelle générosité elle distribuait aux gens à son service une partie de ses richesses. « Prenez, » semblait-elle leur dire, « prenez et tâchez d'enlever à cet or ce qu'il a d'infâme. » Car il est indubitable qu'au fond de son âme de Hollandaise bien née, bien éduquée, respectueuse des hiérarchies sociales et avide de considérations aristocratiques, la véritable source d'où émanait son luxe doit lui avoir souvent paru honteuse. Un de ceux qui ont essayé de reconstituer sa personnalité met sur ses lèvres ce monologue symbolique. « À présent, je suis reine, j'ai ma cour et mes courtisans. Ginocelli, avec son museau d'hyène et sa mine de tricheur, ne manquerait pas un jour de venir me voir, même si j'étais en enfer. Et Cravard, le millionnaire, qui serait capable de vendre Dieu pour moi. Et Lord Clavenmore, aussi puritain à la surface que libertin au fond. Ah, leurs joyaux et leurs fleurs me répugnent. Il y a quelque chose de maudit en la beauté. Les hommes sont horribles. Ceux-là qui m'adorent s'entre-dévoreraient pour un de mes sourires. Le grand-duc Basile, qui se transforme en un Néron quand il est ivre, quel dégoût! Et le comte von Gurt, intime du Kaiser, général de la garde, il n'y a qu'à le voir manger pour le juger. Ah, les monstres! Leurs flatteries me rendent malade, leurs caresses me glacent. Que ces cris répondent à la réalité, c'est fort probable. Seulement, Matahari était bien trop vaniteuse pour s'exprimer ainsi devant ses amis. Au lieu de vituperer, elle dissimulait, et pour cacher son jeu, pour ne point faire figure de courtisane vénale, mais bien de déesse, elle avait improvisé son art étranger, inventé son origine sacrée. L'art et la beauté surtout, suffirent, dès le commencement de sa vie libre de grande aventurière, à lui assurer une situation enviable. Caroline Otero elle-même, qui jusqu'alors s'était considérée comme de beaucoup supérieure à toutes celles qui briguaient l'héritage de son sceptre, sentit que la nouvelle souveraine allait conquérir des états considérablement plus étendus que les siens. Et c'est que Matahari ne se contentait pas de régner comme Liane de Pougy, comme Émilienne d'Alençon, comme Rosario Guerrero, comme Odette Valéry sur un groupe de noctambules parmi lesquels il se trouvait des artistes et des banquiers, des aristocrates et des fils à papa, mais presque jamais un personnage de réelle importance morale. Matahari se sentait des ambitions plus hautes et savait les réaliser. Matahari avait besoin que ses courtisans fussent ministres, princes, ambassadeurs, généraux, académiciens, que dis-je, dans son boudoir oriental, entre une figurine de Tanagra et un Bouddha de bronze antique, s'étalaient en leur riche cadre de filigrane les photographies de deux monarques qui, en leur dédicace, se proclamaient enthousiastes admirateurs de la grande artiste. Deux souverains, oui, l'un mourut avant elle. L'autre, chevaleresque et généreux, demanda personnellement sa grâce au président Poincaré. Et c'est ici que je me demande si, mis au courant de ces royales démarches et de leur échec, quelqu'un peut encore mettre en doute que la ballerine fut coupable, car pour que le chef de l'État français ait cru ne pas devoir accéder à la demande du monarque d'un pays ami, il fallait qu'il fût fermement convaincu que les crimes de Matahari étaient impardonnables. Oui, mais ils restent inexplicables, ces crimes. J'entends que murmure mon bon ami Ronouaille. C'est certain, surtout quand on veut, comme l'implacable commandant Massard, en découvrir le mobile dans l'intérêt ou le dépit. Pour 60 000 francs, une femme au pied de laquelle soupirent des banquiers et pleurent des ministres ne se consacre pas à la plus vile, à la plus périlleuse des besognes. Pour satisfaire de mesquines rancunes artistiques, une riche ballerine applaudie partout ne risque pas son honneur et sa vie. That is a question. Ou plutôt, tel est le mystère, et pour le pénétrer, le mieux est peut-être de penser à ce qui existe de plus vague, de plus féminin, de moins raisonnable, à ce qui, au regard d'un moraliste sérieux, passera toujours pour de la fantaisie littéraire, à ce qui s'explique seulement par le triomphe de la vanité et la défaite de l'orgueil, à ce qui nous montre une fois de plus, enfin, combien compliqué, absurde, faible, inconscient, bas et aveugle peut être le cœur humain. Les phrases que, dans la tragédie de Charles-Henri Hirsch, le défenseur de la ballerine prononce pour expliquer le crime d'Issel sont moins des paradoxes qu'elles ne le paraissent tout d'abord. « Ce n'est pas elle, dit en somme l'avocat, ce n'est pas elle la vraie responsable, mais bien l'égoïsme des hommes qui précipitent les femmes dans l'abîme. » En effet, elle fut surtout la victime de son propre prestige. Comprenant tout le parti qu'il pouvait tirer de ses relations, les Allemands eurent l'habileté de la séduire par des flagorneries puériles et irrésistibles. Vous qui êtes la seule capable de comprendre, vous qui exercez la plus grande influence, vous qui souhaitez la paix, vous qui sentez toute l'horreur de la guerre, vous qui pouvez épargner à de pauvres familles tant de deuils, tant de larmes, tant de misères. » Et la belle fille, qui croyait que tous les hommages lui étaient dus, se laissa prendre au ray de l'espionnage comme une alouette au miroir. Si on lui eût crûment offert une somme quelconque pour se mettre au service des agents de Berlin, il est fort probable qu'on n'aurait réussi qu'à l'offenser. Mais les grands organisateurs des forces occultes, les Romberg, les Ratibor, les Kallen, étaient de subtils psychologues dévoués à la plus ténébreuse des diplomaties. Les paroles que Dumur met sur les lèvres du ministre allemand à Berne sont authentiques. « Ce dont nous manquons le plus, c'est d'amis habiles et intelligents, d'un talent supérieur et d'un noble caractère, disposés à nous aider à Paris dans le but de mettre fin à toutes ces horreurs. Les Français ne le comprennent pas, et il importe de leur faire comprendre dans leur propre intérêt. Nous autres, nous ne haïssons personne. » Nous souhaitons uniquement de ne pas succomber sous l'effort de 100 peuples ligués contre l'Empire. Et c'est cela qui suffit pour faire vaciller un Andersen et qui probablement fit de Matahari une espionne. Mon hypothèse vous semble aussi fragile que celle du commandant Massard? Point ne m'étonne. Vu de loin à travers le temps et à travers l'espace, les péripéties morales de la tragédie européenne paraissent fréquemment inexplicables. Pour ce qui a trait à l'espionnage, surtout, il faut se rendre compte de ce qu'était l'atmosphère des grandes villes neutres, Genève, Madrid, Amsterdam. Si l'on veut bien comprendre l'invraisemblable facilité avec laquelle les agents du Kaiser trouvaient des collaborateurs plus ou moins désintéressés dans toutes les classes sociales. À Berne, dit l'auteur de Nach Paris, dans l'extraordinaire tourbillon provoqué par la guerre, l'espionnage était chose courante à laquelle tous se consacraient, s'espionnant les uns les autres. Dans les cercles cosmopolites de Madrid au Palace au Ritz, il se passait quelque chose d'analogue. De belles aventurières, qui parlaient aussi bien le français que l'allemand, ne se gênaient guère pour pénétrer en plein jour dans les ambassades. « Une espionne, » disait-on, et on le disait sans surprise, sans dégoût. Une immense tolérance régnait, faite en partie de scepticisme et en partie d'habitude d'entendre toujours et partout le même refrain. Qui plus est, dans certains milieux, on pouvait noter une sympathie malsaine et romanesque pour les misérables êtres qui, exposant leur vie, allaient et venaient munis de faux passeports pour gagner la prime aux hécatombes, aux naufrages, aux catastrophes. Car chaque attaque de paquebot par les sous-marins et chaque surprise sur les points faibles du front était la conséquence de quelques communications du service de l'espionnage. Les chefs militaires sont seuls à savoir la tragique importance que peut revêtir un détail insignifiant à nos yeux. C'est pourquoi ils n'éprouvent point de ces compassions qui nous font frémir, nous autres, quand nous entendons prononcer d'inexorables sentences. Écoutez ces paroles adressées par l'un des juges qui condamnèrent Matahari, le commandant Chatin, à son camarade Massard. Permettez-moi de vous féliciter pour votre catégorique réponse à la personne qui essaie de réhabiliter l'espionne H21. Sur quoi cette personne base-t-elle sa défense? Je fonde ma certitude de la culpabilité sur les preuves que j'ai eues en main et sur les aveux mêmes de cette immonde espionne qui fit peut-être tuer plus de 50 000 des nôtres, sans compter ceux qui périrent en mer à cause de ses indications. Ce ton de haine qui ne désarme pas, même devant un tombeau, vous surprend? Eh, moi aussi, il me surprend. Mais c'est probablement parce que nous ne réussissons pas tout à fait à nous mettre à la place d'un de ces durs soldats qui, durant 4 ans, vécurent obsédés non seulement par les balles qui venaient du front adverse, mais aussi par les poignards qu'ils sentent menaçant derrière leur dos. Ces êtres, dit le commissaire du gouvernement au cours du procès Matahari, ces êtres abjects et féroces qui préparent dans l'ombre les tueries et se servent de leur beauté pour contribuer à l'œuvre destructrice de nos ennemis ne méritent que la mort. Ce sont des créatures diaboliques et macabres. » La plus épouvantée d'entendre ces paroles, ce fut certainement la ballerine. Et c'est qu'il y avait chez elle, comme il y a chez la plupart de ceux qui se consacrent à l'espionnage aux époques de tourmente, une sorte d'inconscience qui ne lui permettait pas d'apprécier le mal commis en livrant aux agents allemands les secrets qu'elle surprenait en France. Pour sa curiosité maladive et perverse, sondait l'âme des héros qui allaient entre deux combats chercher dans son alcôve un peu d'oubli, doit avoir été un jeu auquel son instinct d'aventurière vaniteuse s'intéressait, sans qu'elle mesurât les conséquences de son acte. Cela la flattait sans doute que von Kaizen et von Krohn, grands chefs des services de l'espionnage allemand à Madrid, lui disent qu'elle était la seule femme capable d'obliger d'importants personnages français à enfreindre leurs consignes. La conviction était certainement agréable à son amour-propre que, grâce à sa beauté, elle convertissait les guerriers les plus téméraires en pantins prosternés qui, sans même s'en rendre bien compte, lui livraient des lambeaux de leur patrie. L'idée l'emplissait d'orgueil que, grâce à sa subtilité, elle saurait toujours cacher à tous ses manœuvres. Mais il est à présumer que, si une voix grave lui avait dit à l'oreille, au moment où venait de la quitter quelque aviateur étourdi ou quelque ministre ingénu, qu'en livrant les secrets surpris, elle allait causer bien des douleurs, bien des larmes et bien des deuils, sa conduite lui eût fait horreur. Mieux, il est certain que sa surprise en face de la réalité de ses crimes eût été immense et cruelle. Il n'y a qu'à se rappeler les dépositions des personnes qui avaient été à son service pour le comprendre. Elle était très bonne, très généreuse, très charitable, très sensible aux malheurs d'autrui. Ainsi s'expriment ses anciens serviteurs. Et ses amants, même ayant été victimes de ses intimes perfidies, sont forcés de reconnaître qu'elle était une femme franche, noble, de caractère brusque, d'humeur variable, mais toujours capable de tendresse et d'affection. Le sénateur espagnol Runway, qui fut un des meilleurs amis de Matahari, a toujours été sûr de son innocence. « Vous verrez, me dit-il un jour, il y a 4 ou 5 ans, vous verrez que la France, le seul pays qui a une conscience nationale, finira par demander la révision du procès de la pauvre danseuse, comme elle l'a fait pour celui de Dreyfus. » Alors, ces paroles me firent sourire, parce que je sentais que la grande majorité des Français avaient la conviction de la culpabilité de Matahari. Mais à présent, je me demande si Runway n'a pas été un vrai prophète en me parlant ainsi. Voici en effet dans le Petit Journal, c'est-à-dire dans un des organes les plus populaires de la bourgeoisie parisienne, un article du 16 juillet 1925, signé Marcel Nadeau et André Fage, et dans lequel je trouve les lignes suivantes. Des mémorialistes comme le commandant Massard dans son remarquable livre « Les espionnes à Paris » ont cru par des documents apporter la preuve certaine de sa culpabilité. Pour tout observateur impartial, la question demeure entière. Sinistre espionne pour beaucoup, on ne peut oublier et négliger qu'elle eut de son vivant des défenseurs acharnés de la plus haute intellectualité. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un souvenir, son corps ayant été dispersé comme pièce anatomique sous le scalpel des carabins. Mais sa mémoire garde encore des amitiés fidèles. Il est certain que la défense tenait le bon bout. Après la chaude plaidoirie de Maître Clunet, on put croire un instant la danseuse déchargée au moins du principal chef d'accusation. Il n'en fut rien. Et puisque cet officier l'ont jugé coupable, nous voudrions pouvoir nous incliner sans réserve devant ce verdict de soldat. Malheureusement, comment ne pas nous méfier de l'ambiance dans laquelle les débats se développèrent, quand l'ennemi est si près de la capitale, quand quand l'espionnite règne en maîtresse, quand, pour ne pas paraître défaitiste, on en arrive à fermer son esprit au plus élémentaire sens critique, on est en droit de se demander si la justice a pu garder son entière indépendance et son indispensable sérénité. Que de jugements de conseils de guerre ont dû être cassés depuis. Que de coupables innocentés des plus abominables des crimes, désertion, trahison, abandon de poste, espionnage. Certes, on ne peut incriminer personne. Seule la guerre fut coupable, qui mania parfois le glaive de la justice à l'aveuglette, avec une hâte inconsidérée. Mais aujourd'hui, dans la paix, dans la norme retrouvée, est-il devoir plus impérieux que celui de réviser les jugements qui restent auréolés de mystère, d'étaler au grand jour les dossiers des affaires sur lesquelles plane encore la grande ombre du doute. Hier, nous avons fait part de nos angoisses à l'un des magistrats qui ont été mêlés à l'affaire Matahari. Il nous a répondu « Vous ne savez pas tout, il y avait des pièces secrètes accablantes ». Eh bien, 8 ans après, le secret n'est plus de rigueur. Pour le calme de notre conscience, pour briser aussi la campagne étrangère sur l'affaire Matahari, qui tente à la représenter comme une miscavelle, comme une martyre, nous réclamons la publication de ces pièces au nom de tous les Français épris de vérité.